Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va s'attaquer à un objet de consommation très banal, le pain. Un aliment millénaire, mais depuis quand et où et comment on a commencé à faire du pain? Alors, notre archéologue Marie-Claude Dionne a remonté loin pour en retrouver les premières traces. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors oui, ce soir, je vous parlerai de la préhistoire, mais plus précisément du néolithique. Donc, c'est une période qui est assez mouvementée dans la grande histoire de l'être humain qui s'est déroulée entre 10 000 ans et 3300 ans avant Jésus-Christ. C'est une période qui donne lieu à de grands changements. Entre autres, un changement dans la manière où on va se procurer de la nourriture. Mm-hmm. Et je parle de l'agriculture en soi. Et les études permettent de mettre en lumière que non seulement il y a des nouvelles pratiques qui s'instaurent un peu partout où le néolithique va se pointer le bout du nez, mais il y a aussi de nouvelles traditions qui ont perduré dans le temps, qui se sont également installées mm-hmm. à cette période-là. Mm-hmm. Et les chercheurs s'accordent pour dire que la période néolithique est un tournant pour la production de la culture matérielle, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup plus d'objets qu'auparavant sur les sites archéologiques. Et on parle autant des artefacts de nature plus symbolique que ceux aussi qui sont utilisés dans le quotidien mm-hmm. de ces hommes préhistoriques. C'est une transition qui s'est déroulée dans diverses parties de l'Ancien Monde et elle a occasionné différentes manifestations néolithiques qui sont distinctes d'une région à une autre. Forcément au même moment, d'ailleurs. Exactement. Ouais. C'est pas très surprenant. On parle d'une régionalisation, en fait, à travers la planète. Ça s'est accompagné aussi de la sédentarisation? Oui, tout à fait. Le néolithique est marqué par ouais. une culture matérielle, ouais. mais aussi la sédentarisation ouais. et donc l'agriculture. Liée à l'agriculture qui a nécessité ouais. qu'on se met en place et qu'on y reste pour ouais. pouvoir récolter ouais. ce qu'on semait. Et récemment, les archéologues ont remarqué que plusieurs des cultures du néolithique pratiquent certaines méthodes de cuisson et que leur cuisine en était influencé. Mm-hmm. Et à cette époque, on retrouve en effet au Proche-Orient une culture qui est manifestement marquée par le pain et les céréales. Ah. Ce qui est pas trop surprenant quand on considère que en grande partie la présence de céréales à haute concentration de gluten comme l'orge et le blé s'y retrouve. Mm-hmm. Et c'est pas le cas, disons, au Soudan, dans différentes parties de l'Afrique, où on tend à retrouver au néolithique et même par la suite, une cuisine qui est orientée plutôt sur le porridge et le sorgho. Ah oui, donc il fallait effectivement, pour faire du pain, il faut de blé, il faut du oui. blé. On trouve du blé dans ce qu'on disait dans au Proche-Orient, là, le croissant fertile. Le croissant fertile, exactement. Et donc, d'où vient toute cette différence, finalement? Mais bien sûr, il y a la présence là, de la ressource première, donc le blé, l'orge, le riz en Asie. On se retrouve donc pas partout avec du blé, ça c'est normal. Les différentes cultures ont donc pas le choix de faire avec, tout simplement avec la disponibilité des ressources dans leur environnement. Il y a une théorie qui a été soulevée puis qui m'a assez intriguée, toutefois, c'est celle de faire un rapprochement entre la vision du monde, ce qu'on appelle en anglais le world view d'une culture et le style de cuisine qui est pratiqué à travers les différentes cultures. Je vais m'expliquer parce que certains auteurs font donc le lien entre cuisine, rituel et la perception du surnaturel. Mm-hmm. Donc, on peut penser que faire bouillir et cuire à la vapeur des aliments est considéré comme étant un genre de partage, un mix entre les parents qui vivent aujourd'hui et les ancêtres qui sont morts et qui sont quand même toujours présents dans une même maison. C'est un peu aérien. Mm-hmm. Pour plusieurs cultures de l'Ouest, on va trouver une nourriture qui est cuite par le feu, donc rôtie. Et là, c'est là qu'on retrouve une fumée qui irait encore plus loin dans les dieux, plus lointain dans le ciel. Donc, on a des cultures comme ça. C'est souvent par le partage du pain aussi qu'on les retrouve. C'est quand même assez intriguant. Puis donc, ce sont des particuliers qui sont reliés à la biodiversité, ce qu'on trouve comme ressources localement. Exact. Et les traditions spécifiques de tout un chacun. Et tout ça, ça a permis de créer la cuisine régionale. Oui, exactement. Mmh. Et ça, on couple ça, cette théorie-là, par une augmentation de la culture matérielle. Les archéologues sont capables de mettre en lumière différentes identités culturelles. Toutes ces données-là, qui sont fort intéressantes, sont aujourd'hui agrémentées par par l'entremise d'une nouvelle analyse des vestiges archéologiques. Mm-hmm. Donc, on se retrouve avec l'analyse microstructurale des assemblages archéologiques, mais en fait, plutôt des écofacts. Donc, les assemblages archéologiques qui proviennent des restes botaniques, entre autres. Okay. Et cette analyse-là va permettre de documenter comment on pratique la cuisine. Et pour ce faire, les archéologues utilisent l'archéologie botanique. Donc, non pas seulement pour identifier la nourriture qui était présente, ce qui se fait couramment mm-hmm. en archéologie sur les sites archéologiques, mais aussi c'est pour indiquer la méthode, donc la préparation, donc le style de cuisson. Parce qu'il a été transformé différemment, le restant de blé ou de autre blé. A été transformé différemment selon qu'on l'a bouilli ou rôti. Exactement. D'accord. Mm. Et ultimement, ce genre de données-là peut être lié à d'autres données archéologiques, donc vraiment les artefacts qui sont connus. Quand on pense à la cuisson du pain, on pense à des vestiges de four à pain. Ça va corroborer. Exactement. Okay. Si on trouve la présence d'un four, on devrait trouver aussi la présence de restes carbonisés mm-hmm. de pain. Mm-hmm. Ça peut être aussi des meules, ça peut être... les meules servaient à moudre la farine ou seulement des traces de feu de foyer aussi, qui sont tous des indicateurs non négligeables qu'il y a eu une activité de cuisson ou du moins de nourriture, de préparation de nourriture. Donc, c'est tout un tas d'indices qu'il faut mettre ensemble pour reconstituer le puzzle de qu'est-ce qu'on faisait à cet endroit-là avec le blé. Et avec quoi? Avec quoi. Donc, l'archéologie et botanique, on s'intéresse aux traces végétales comme le charbon de bois. Mais pour le pain, est-ce qu'on retrouve si facilement que ça quand même des traces de pain ou de quelconque dérivé. Ouais. La farine, c'est quand même du pain grillé. Est-ce qu'on retrouve difficile. Ça 10 000 ans plus tard? Oui, oui. Oui et non, c'est la beauté de la chose. En fait, le problème en est que les archéologues ont longtemps mis de côté ce genre de vestiges-là lorsqu'ils faisaient des analyses par flottaison. Donc, on prend un petit tas de terre et qu'on fait passer de l'eau pour enlever tout ce qui n'est pas des vestiges archéologiques. Et c'était souvent dans les analyses, on les retrouvait comme caractérisés comme un objet carbonisé amorphe, mm-hmm. non identifiable. Ah ouais. C'est un genre de vestige archéologique qu'on retrouve en très grand nombre dans les échantillons archéologiques. Il a fallu une étude pionnière dans les années 90 qui a permis de statuer sur la présence de cet objet-là, de ces écofacts-là, et qu'on reconnaisse ainsi leur potentiel. Récemment, il y a des développements méthodologiques dans les dernières années qui ont permis de commencer, si on veut, à étudier ce type d'échantillon microscopique, c'est avec un microscope électronique à balayage. Mm-hmm. Et ceci offre donc la possibilité d'identifier le type de plante qui a été utilisée. Mm-hmm. Les résultats qui sont préliminaires dans une étude du site Cataloyuk, qui est un gros site connu, étudié depuis longtemps, qui est en Anatolie centrale. Ça, on est en Turquie. Exactement, mm-hmm. puis a été peuplé aux alentours d'il y a 10 000 ans. Révèle justement une grande présence de pain. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve d'autres choses, bien sûr, mm-hmm. des traces de lentilles, il y a des graines de moutarde sauvage aussi. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre en étudiant les restes de pain? Alors, on remarque souvent la petitesse, dans le cas de Cataloyuk, des fragments de céréales. Depuis tous les débuts du site archéologique en question, ceci va indiquer que le blé et l'orge qui étaient moulus étaient très fortement broyés. Donc, on allait chercher une poudre qui était assez fine, donc elle est broyée et tamisée. Mm-hmm. Cela va contraster avec ce qu'on retrouve souvent ailleurs, comme des grains plus grossiers qu'on retrouve dans le porridge, dans des périodes aussi qui sont plus récentes sur le même site à Cataloyuk. On peut donc penser que la fabrication du pain en était pas à ses débuts. Donc, les gens savaient que plus la farine, elle est poudreuse, donc plus mince, donc plus broyée, mm-hmm. Mieux le pain va goûter, mieux va la cuire texture, probablement. La cuisson. Exactement. Peut-être que ça va mieux lever. Aussi, probablement. Donc, sur un autre site, pour comparer en Jordanie, sur celui de Shukbaka, qui est plus vieux d'à peu près 2000 ans, donc il y a à peu près 12 000 ans, on a une étude semblable qui vient aussi confirmer que la fabrication du pain remonte à il y a très longtemps. Donc, on peut même repousser plus que 10 000 ans, comme on avait introduit. Les traces de céréales broyées à cette période-là vont indiquer que non seulement on fait du pain déjà à cette époque-là, mais que là, quand on commence à penser à l'histoire, on réalise qu'on est avant la domestication même de la céréale. Donc, avant même la sédentarisation. Ah oui, donc avant la culture du blé lui-même. Donc, on allait le chercher dans la nature. Il était à l'état sauvage, ouais. Puis on savait qu'il y avait du potentiel de nourriture qu'on pouvait faire avec. Ceci implique une distribution des tâches quand même assez bien calculée au sein même d'une culture. Parce que, avez-vous déjà fait du pain? Ça prend du temps. Oui. C'est pas quelque chose. C'est vraiment, faut s'investir, un investissement de temps. Mais il y a aussi la nécessité de construire quelque chose aux alentours du pain parce que, je le rappelle, il y a des traces de four qui est nécessaire. Il y a les meules qu'il faut transporter. Puis on est encore dans une époque où les gens sont nomades. Donc, on va quand même faire des petites constructions, le temps de faire un pain. Puis après ça, on va peut-être partir ailleurs. Il y a certains auteurs aussi qui croient que la présence du pain est un indicateur qu'il y avait des festins. On a l'impression que le pain, c'est riche. Ça prend du temps. Donc, s'il y en a eu, les gens avaient ce côté social-là, justement. Donc, l'organisation d'un tel événement de festin va assurément aider à une cohésion sociale qui est quand même assez importante pour des gens qui deviennent de moins en moins mobiles. Donc, ça l'aide aussi à la sédentarité. Oui, c'est bien vrai. Donc, ce genre d'études a bien des potentiels. Et pourrait-on éventuellement faire ce même genre d'études sur d'autres aliments? Oui, certainement. Je ne l'ai pas abordé, mais on peut penser à la bière. Il y a des cellules fermentées qui peuvent être analysées à travers le microscope électronique à balayage. Donc, on pourrait éventuellement mieux comprendre l'histoire de la bière, de la distribution, de la fabrication aussi. Où est-ce que ça a commencé, ça? Exactement. Puis on peut penser, là, ça s'applique autant pour le vin que pour l'alcool, comme le saké japonais. Donc, il y a plein de possibilités de découvertes dans le futur, ça c'est sûr. Et à futur simple? Exactement, oui. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude, de nous avoir mis le pain à la bouche. Un peu de musique sur CKRL 89.1 et au retour, je vous parle de météo contre climato.